L'actualité à Nancy et ailleurs. La traditionnelle opération des brioches de l'amitié se déroulera cette année du 1er au 7 octobre. Une opération qui revêt une grande importance pour plus de 2400 personnes handicapées et leurs familles. Coralie Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du pôle communication de l'AUIM Adapei 54 qui porte cette action. En quoi les brioches de l'amitié sont si importantes ? C'est une action qui est traditionnelle puisqu'elle existe depuis plus de 40 ans, presque 45 bientôt. C'est une action que tout le département attend et qui nous permet de collecter des fonds tous les ans à destination des personnes que nous accueillons dans nos établissements sur tout le département de Meurthe-et-Moselle. Donc une opération solidaire, généreuse, une vraie aventure humaine aussi puisqu'elle mobilise plus de 2000 bénévoles sur le terrain pour vendre 66 000 brioches en pile une semaine. Donc c'est une vraie aventure, c'est un vrai challenge tous les ans. Et ça permet de collecter des fonds. C'est pour nous notre plus grosse opération pour l'AEIM, pour collecter des fonds au profit des personnes que nous accompagnons toute l'année. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de ce qui peut être réalisé grâce à cette collecte d'octobre ? Alors ça change presque tous les ans, si je puis dire. Voilà, il y a des fois c'est deux années de suite, comme cette année. On a déjà, par exemple, plusieurs opérations brioches ont permis la construction totale de l'école spécialisée Jean Lotte à Lunéville. Ou alors ça a été un apport également très important pour les AD Val-de-Lorraine sur Pont-à-Mousson lors de sa construction. Ça nous a permis d'acheter le terrain du village Michelet à Maxéville. Un peu plus récemment, pour les 40 ans, c'était une année autour des outils numériques. Donc acheter des outils numériques comme des tablettes qui sont vraiment spécialisées dans le handicap, dans l'autisme et qui nous permettent de faire un accompagnement spécialisé. Donc à chaque fois, l'opération, elle va venir en aide financière, si je puis dire, pour permettre d'acheter du matériel, d'aider une construction ou de mener à bien une mission spécifique qui ne permettrait pas de rentrer dans un budget normal d'établissement. Le rôle de cette opération des brioches de l'amitié, elle a un rôle au-delà de cette vente et de l'argent collecté. Oui, bien sûr. Proposer des brioches en échange d'un don, c'est sûr que c'est important et ça permet de mener des vraies réalisations. Mais derrière, d'être à plein d'endroits et pendant toute une semaine, d'occuper le terrain sur le département, d'occuper les réseaux sociaux, d'occuper dans la presse, c'est d'abord faire parler de la personne handicapée, de la personne ayant un handicap intellectuel, de faire parler de cette forme de handicap dont on ne parle pas assez dans la presse, dans les médias. Et c'est mettre le zoom et un coup de projecteur sur ces personnes que l'on accueille nous toute l'année, montrer leur capacité, pas uniquement leur incapacité, montrer la place qu'elles ont dans la société. Et c'est une opération qui a pour but de se battre pour que les personnes que nous accompagnons aient une vraie place citoyenne dans la société. Et un soutien aux familles aussi. Bien sûr, un soutien aux familles, leur montrer qu'on est avec eux plus que jamais, et encore plus cette semaine-là, bien sûr. Pour revenir sur les réalisations pour 2018, qu'est-ce qui est en projet ? Alors, c'est le prolongement de 2017. En 2017, l'AEIM a ouvert un fonds de solidarité, son fonds de solidarité. Donc, l'AEIM accueille 2400 personnes toute l'année, enfants et adultes. Et donc là, c'est un fonds qui est destiné aux familles, aux personnes handicapées que nous accueillons, pour les aider financièrement à travers des projets. Ça peut être n'importe quoi. Dès l'instant que le projet est présenté via le service social de l'AEIM, que c'est une personne que nous accompagnons. Et le service social nous alerte à ce moment-là d'une situation particulière dans laquelle il y a un risque de rupture du parcours de vie de la personne. Et du coup, on va venir en aide financière à travers l'achat d'un véhicule, l'avance de vêture, quoi que ce soit. Alors, on essaie de garder la confidentialité sur les situations pour ne pas se laisser dépasser. Mmh. Mais en tout cas, le but, c'est de venir en aide à une famille, à une personne handicapée, là où aucune aide n'a été possible. C'est-à-dire qu'avant, les aides officielles de l'État ne peuvent pas aider au-delà de ce qui est déjà proposé. La situation ne peut pas être réglée et c'est ce qu'on appelle le fonds de solidarité de l'association qui vient à la rescousse et qui apporte un soutien ou partiel ou total sur décision du bureau de l'association qui se réunit tous les lundis. Pour revenir maintenant sur l'opération des brioches de l'amitié qui va se dérouler du 1er au 7 octobre sur le département de la Meurthe-et-Moselle, vous avez dit plus de 2000 bénévoles impliqués dans cette action des brioches de l'amitié. Comment ça va se passer sur le terrain et comment vont-ils à la rencontre du public ? Alors c'est un petit peu une grande toile d'araignée. L'opération brioche, c'est encore, et heureusement, c'est très artisanal. C'est du cas par cas. On va avoir des bénévoles qui vont faire du porte-à-porte, en particulier dans les villages. Alors ça se perd de plus en plus parce que comme partout, on a beaucoup de mal à trouver trouver de nouveaux bénévoles et les bénévoles, toute une génération aujourd'hui s'arrête petit à petit. Donc effectivement, on est comme tout le monde, c'est pas facile et cette année n'y déroge pas. Donc le porte-à-porte, c'est de moins en moins souvent, mais il y en a encore beaucoup sur le département, dans les villages, des sorties d'églises aussi également, des marchés. Et puis on a beaucoup et de plus en plus de points de vente dans les hypermarchés, les supermarchés du département, et également de la vente directe aux entreprises à travers du bon de commande. Donc les entreprises, c'est un petit peu la relève depuis 5 ans pour colmater les pertes qu'on a face au manque de porte-à-porte, par exemple. Mais donc, différents moyens de trouver des brioches. Exactement, donc c'est différents points de vente. Mais vous cherchez toujours des bénévoles, donc on peut toujours se proposer aujourd'hui. Ah oui. Puis alors là, on a fait le point juste avant que je vous ai au téléphone. Et cette année, ça s'annonce particulièrement difficile. Il y a des années où on a plus ou moins de pertes de bénévoles, de par plein de raisons, de par l'âge, entre autres. Donc on a des points de vente complets, entre autres, sur Nancy Centre. On a besoin, samedi 6 octobre, on a besoin d'avoir des bénévoles pour venir nous aider à tenir le point de vente place du Saint-Sébastien. On a l'Intermarché de Jarville qui n'a plus assez de bénévoles également. Enfin, on a toute une liste d'endroits sur le département où on recherche du monde, même une demi-heure, même une heure. Pour nous, c'est important et ça nous permet de ne pas fermer le point de vente et d'être au plus d'endroits possible. Alors, si des personnes nous écoutent et veulent vous rendre service, comment on fait ? On peut nous appeler directement au 03 83 44 30 65. Donc comme ça, vous pouvez vous présenter, c'est peut-être le plus simple d'ailleurs, et puis nous dire vos souhaits, ou alors nous envoyer un mail à Opération Brioche, tout attaché, tout en minuscule avec un S à brioche, @aeim54.fr. Et pour soutenir l'association, même au-delà de cette Opération Brioche, je suppose qu'on peut le faire aussi. Et bien voilà, sur les mêmes outils, ça peut être un don. Donc l'AEIM est reconnue d'utilité publique. Donc chaque don apporté à l'AEIM, chaque donateur peut bénéficier d'avantages fiscaux à travers un reçu fiscal, donc avec 66% de réduction fiscale. Donc un don à travers le mail que j'ai donné ou par téléphone pour avoir plus de renseignements. 03 83 44 30 65. Coralie Vincent, merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.